nocturne. Vision nocturne. La piste on sort, plus mais le bis rapporte. Plus j'spliff, j'tise et j'pisse des histoires tort. Dieu, j'risque, puisqu'il tire en vision no. Tune, fils, y'a le fils dans nos visions. On fuit l'ennui, impossible de rire sans joie, j'avoue. Rare que j'fuis en ville, mais j'vais la nuit sans vision infrarouge. C'est pour les soins de galère, pour les rôles, les uns, les frégos. Et celles que j'ai vues dans un coin, les uns à l'air. Et tous les trucs bizarres que tu vois dans la vision nocturne. Mission grosse fume, comme tous les soirs, on voit le pilon que j'torture. C'est pour les flaques de pistes de peinture et de sang qu'on a laissé. J'te parle de crise entre moi-même, tu sens le combat baiser. Insomniaque, j'laisse la prose faire. J'élabore les doses, un seul niaque et j'baisse l'atmosphère. Souvent raide, car des fois j'me dis que la cigogne est cyclone. On crève pas comme on crève pas l'œil du cyclope ou du cyclone. Pas de carte postale ni de carte de presse, t'envoies des mandats à toi. La nuit on frit, tu fais une reste, aux invus de pas, demande à toi. La nuit des reptiles, j'défonce des pensées restives. On croit qu'on sait tout, on sait tout, fait pas ce qu'on reste. La piste on sort, plus mais le bis rapporte. Plus j'pliffe, j'tise et j'pisse des histoires tort. Dieu, j'risque, puisqu'il tire en visant nord. Dune, fils, y'a le fils dans nos visions nord. Dune, ça vise que l'or, pur on en veut encore. Plus faut que j'stoppe, mais j'crois que les cops plus que les clopes. Dieu, j'mise, pas sur d'acteur, on vise encore. Stume, la nuit on dort, plus c'est nos visions nord. Dieu, prends dans la tabasse et cherche une résoie bien placée. J'ai vu tout ça tabasse, et là où tout ça t'a placé. Fume la zézé locale, on cesse de baiser nos crânes. Moi j'serais aisé au calme si j'avais les 16 que j'ai laissé au bar. Des fois j'suis marrant, d'autres j'serais mieux aux anges avec les miens. Pas de cuillère en argent, on mange avec les mains. J'suis pas au NBA, j'siffle le golem d'hier. Paul NBR et j'vis dans les problèmes liés. Y'a que des rats, ouais sortis toi et tu verras les michetos. Rien que ça raque et ça râle quand tu diras les ciao. On l'a bien compris, frère on croit en rien mais rien compris. Incompris, j'pars comme un daltonien, rien concret. Toutes les couleurs sont ternes, y'a que le vert qui m'apaise. On sait ce que le terre, sûrement pas le prochain mec qui va baisse. La nuit des reptiles, j'défonce des pensées restives. On croit qu'on sait tout, on sait tout, fait parce qu'on respire. La piste on sort, plus mais le bis rapporte. Plus j'pliffe, j'tise et j'pisse des histoires tort. Dieu, j'risque, puisqu'il tire en visant nord. Dune, fils, y'a le fils dans nos visions nord. Dune, ça vise que l'or, pur on en veut encore. Plus faut que j'stoppe, mais j'crois que les cops plus que les clopes. Dieu, j'mise, pas sur d'acteur, on vise encore. Stume, la nuit on dort, plus c'est nos visions nord. Dune, à l'écart, j'ai pas les cartes, mais la verdure en coude. J'gratte pour les sourds et tous les soirs, j'attrape le temps perdu en cours. Faux filage, dans mon faux village, on cherche un bal de blé. Ils parlent de paix pendant que les faux villages. J'préfère me casser, mais jamais je trottine. C'est pour cette nuit où ils nous attendaient cachés avec les chevrotines. C'est ça la mise, c'est ça la nuit, certaines couilles rétrécissent. Cause moi je suis à la cool, j'coule des centaines d'ouilles dressées. On se bat pas pour des chèques, on perd, on refuse l'aide, non. J'veux pas t'accorder, j'ai le dis pas non pour une chaise longue. Une prod leur cesse tombe, le bonheur cesse tombe. On voit toutes les douleurs, j'en vois toutes les couleurs, ça reste sombre. On tolère l'obscur, au stud on bosse dur. Ouais j'bosse et pose en colère, donc en mauvaise posture. Ouais j'dors plus 10 ans, j'me torture le citron. Des corps fument pas de fortune, nocturne vision. Nocturne vision, supporte plus de lésions. Crois pas j'porte une mission. Aucune raison, ouais ouais j'dors plus 10 ans. J'me torture le citron, des corps fument pas de fortune. Nocturne vision, la piste on sort, plus mais le bis rapporte. Plus j'spliffe, j'tise et j'pisse des histoires tort. Dieu, j'risque, puisqu'il tire en visant nord. Dune, fils, y'a fils dans nos visions nord. Dune, ça vise que l'or, pur on en veut encore. Plus faut que j'stoppe, mais j'crois que les cops plus que les clopes. Dieu, j'mise, pas sur d'acteur, on vise encore. Stume, la nuit on dort, plus c'est nos visions nord. Dune.